بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن شاء الله سندخل 13 كور من ce livre de Cheikh Rabi حفظه الله تعالى، tourne autour de la voie dans la da'wa, qui nous explique la da'wa des prophètes et des messagers alayhim salatu wa salam. Et nous nous sommes arrêtés au deuxième exemple que nous donne Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala, qui est l'exemple de Ibrahim alayhi salatu wa salam. Yaqulu Hafidhahullah subhanahu wa ta'ala wa shafahu wa afah wa atala umurahu fi al-difa'i an hadha al-manhaj al-qawim alladhi huwa manhaj al-salaf. يقول وتانيهم أبو الأنبياء وإمام الموحدين الحنفاء إبراهيم خليل الله الذي أمر الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وأمته باتباع والائتساء بدعوته والاهتداء بهديه ومنهجه. وفي الحاشية يقول إشارة إلى قول الله تعالى ثم أوحينا إليك لاتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وإلى قوله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Il dit, حفظه الله تعالى, le deuxième, c'est-à-dire le deuxième parmi les messagers عليهم الصلاة والسلام, c'est le père des prophètes et l'imam des monothéistes par excellence, qui est Ibrahim, l'ami intime d'Allah عز وجل. Allah سبحانه وتعالى a ordonné au meilleur des messagers qui est Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam de suivre ce messager. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des messagers, ainsi que sa communauté, ont reçu l'ordre de prendre comme exemple Ibrahim alayhi sallallahu alayhi wa sallam et de prendre la voie de Ibrahim alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci, Cheikh le dit en bas de la page, si par rapport au verset dans Sourate An-Nahl qui dit, verset 123, nous t'avons révélé qu'il faut que tu suives la voie de Ibrahim, le monothéiste, qui n'était pas associateur. Ça, c'est l'ordre donné à Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam directement. Et aussi dans l'autre verset, dans Surat Al-Imran, où il est dit, Allah a dit vrai, suivez la voie d'Ibrahim, le monothéiste, il ne faisait pas partie des associateurs. Et ça, dans ce deuxième verset, il y a l'ordre qui est donné à l'humanité, à cette communauté de suivre Ibrahim alayhi salatu wa salam. يقول الشيخ حفظه الله تعالى قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني بريء إني أراك وقومك في ضلال مبين. الشيخ دون سيتي ان verset pour à nous éclairer sur la da'wa de Ibrahim alayhi salatu wa salam, et le verset dans sourate Al-An'am où il est dit quand Ibrahim a dit à son père Azar, est-ce que tu prends des statues comme divinité? Je vois que toi et ton peuple, vous êtes dans un grand égarement, dans un égarement clair. Pourquoi? Parce que justement, ils ont adoré ce qui ne mérite pas l'adoration. Ils ont voué le culte à ceux qui ne le méritent pas, qui sont les statues. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. Et ainsi, quand Ibrahim a.s. nous l'avons accompli dans le monothéisme et dans la da'wa vers Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il voit avec sa clairvoyance ce que contient les preuves avec lesquelles on a la certitude, et pour qu'il ait la science complète, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait montrer tout. Cet univers des cieux et de la terre, il lui a montré les preuves comme quoi cet univers prouve l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, prouve comme quoi il faut réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il soit parmi les gens qui ont la certitude. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. Et quand la nuit est arrivée, il a vu un astre. Et ça doit être, comme il a dit Sa'di rahmatullah alayhi, ça doit être un énorme astre qui a beaucoup plus de lumière que les autres, puisqu'il a été cité ici. Et quand il l'a vu, il a dit, ça c'est mon sevrat. Mais quand il s'est absenté, et il s'est caché après, il a dit, je n'aime pas ceux qui s'absentent et ceux qui disparaissent. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَمْ يَهْدِنِ رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الضَّالِّينَ. Et quand il a vu la lune, quand il a vu la lune, il a dit, ça c'est mon sevrat. Quand il a vu la lune éclairante, plein de lumière, il a dit, ça c'est mon sevrat. Et quand la lune a disparu, il a dit, si mon sevrat ne me guide pas, je serai parmi les gens égarés. Et quand Ibrahim dit, ça c'est quand il a parlé de là, ça c'est mon sevrat, la lune c'est mon sevrat, etc. C'est pour être dans la même situation que ceux qui sont en face de lui, pour attirer leur attention. Il disait, regardez, ceux-là, est-ce qu'ils créent quelque chose? Ou là, ils font quelque chose, ou là, ici, ils ont une grande puissance. Car l'adoration, si on la voit quelque chose, on doit l'avouer avec preuve. Et le fait de disparaître, que l'astre disparaît, ou que la lune disparaisse, ça prouve leur faiblesse. Et donc, s'ils disparaissent au moment de leur disparition, qui s'occupe de cet univers? Qui donne? Si vous les adorez et qu'ils disparaissent, qui, dans ces cas-là, va s'occuper de vous? Ils sont en train d'attirer leur attention sur l'égarement dans lequel ils sont. Alors qu'il était un petit jeune homme encore, il était fatah encore, ce n'était pas un jeune complet. Il était tout petit encore. Et quand... فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. Et quand il a vu le soleil éclairant, plein de lumière, etc., il a dit, ça c'est mon sevrat et c'est le plus grand. Mais quand le soleil a disparu, il a dit, ô peuple, je dis à vous les associés que vous faites à Allah Azza wa Jal. Je dis à vous les associés que vous faites à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, j'ai inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana min al-mushrikeen. Il leur a dit, j'ai orienté ma face vers celui qui a créé les cieux et la terre, et je suis monothéiste, je ne fais pas partie des associateurs. Et quand Ibrahim alayhi salatu a dit, si mon sevrat ne me guide pas, ça, Ibrahim alayhi salatu salam ouvre sa faiblesse devant Allah subhanahu wa ta'ala, comme quoi il a besoin d'Allah, il a besoin de la guider d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwat al-Islam, hada Ibrahim, Khalilullah, alayhi salatu wassalam, kana fatan saghiran wa ma kana yukhsha minhu an ya'khud al-hukm wa as-sulta, walakin da'watahu kanat didd al-asnam, didd al-shirk. Tes frères Allah Azza wa Jal essayent de méditer la vie d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et les versets qui viennent de passer avec nous. Ibrahim alayhi salatu wassalam était encore un petit garçon. Donc on n'avait pas peur de lui qu'il puisse prendre le pouvoir, ni de vouloir prendre la place du gouverneur. Mais cette da'wa était une da'wa contre l'associationnisme et contre les statuts. أما الحركيون والحزبيون اليوم إخوة الإسلام يقولون هذا شرك تقليدي ويسمونه بشرك القبور واليوم يقولون اليوم نحن عندنا شرك آخر وهو شرك القصور انظروا هذا اللف والدوران وفي الحقيقة الشرك شرك في كل زمان ومكان والتوحيد توحيد ان الله عز وجل contre les activistes sur le terrain maintenant et à notre époque, nos contemporains, ils disent, ça c'est un associationnisme traditionnel. Et ils l'appellent l'associationnisme des tombes. Et ils disent, aujourd'hui, nous, nous avons une autre forme d'associationnisme qui est l'associationnisme des palais. Regardez comment s'ils viragent et comment ils esquivent de la vérité et comment ils tournent, ils zigzaguent. Mais en réalité, l'associationnisme, c'est l'associationnisme à n'importe quelle époque et à n'importe quel moment et à n'importe où. Et le monothéisme, c'est le monothéisme. Il ne change pas. ولكن هؤلاء يريدون وضع الدين في قالب سياسي من أجل الوصول إلى السلطة. Mais ces activistes et ces hizbis veulent mettre donner l'image de l'islam comme quoi il lui donnait un aspect politique pour qu'ils arrivent au pouvoir. وإخوات الإسلام معلوم أنهم إن وصلوا إلى السلطة فإنهم سيفسدون أكثر من الحكام الذين قاموا عليهم. Savoir, خير الله عز وجل, que ces activistes arrivent au pouvoir, ils vont faire plus de mal que le gouverneur qui gouverne maintenant. Et contre lesquels ils vont se révolter ou là ils se sont révoltés. فغالب حكام المسلمين لا يدعون أنهم حكام دين. La majorité des gouverneurs du pays de l'islam ne prétendent pas qu'ils jugent avec la religion, ni qu'ils sont des juges de religion. أما هؤلاء فسيفسدون باسم الدين وباسم الإسلام. Quant à ces activistes et ces hizbis, ils vont faire du mal. Ils vont faire mal aussi au nom de l'islam et au nom de la religion. وما فعل التراب بالسودان عنا ببعيد فسد دينها ودنياها وهو يزعم أنه إصلاحي إسلامي وأدخل السودان مؤتمر وحدة الأديان واستقبل طاغوت النصارى الهالك بصليب طوله ستة أمتار إيه سكافي التراب ها والسودان ني با لوان دو نو فو جوست غولير لستوار كونتمبورين. Il a fait du mal à la religion du pays et il a fait du mal à la vie aussi du pays. Il prétendait qu'il était un réformateur islamique. Et il a rentré au Soudan, le sommet de l'unicité des religions, et il a accueilli le Tarou Dian Nasara, qui était le pape, avec, écoutez bien, avec une croix qui faisait 6 mètres de long. 6 mètres de long pour l'accueil du pape, pour le sommet, hein, pour le sommet de ce qu'ils appellent les frères musulmans, l'unicité des religions. وَدَعَا إِلَى الْإِخْتِلَاطِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَدَعَا أَنَّ هَذَا هُوَ عِلَاجُ الْمُجْتَمَعِ مِنَ الزِّنَا وَلَهُ دَعَوَاتٌ تُخَرِّبُ الْإِسْلَامِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَّصَ بِلَادَ السُّودَانِ مِنْهِ. Et il a appelé à la mixité entre les gens, entre les hommes et les femmes. Et même entre, il a appelé à la mixité dans les universités. Et il a prétendu que ça, c'est le remède des complexes et du fait de se débarrasser de l'adultère dans les sociétés. Regardez, une da'wa anti-islamique. Une da'wa contre les principes de l'islam et le comportement et de l'islam. Et il dit que le fait d'être dans un lieu mixte, bah c'est ce qui va guérir de l'adultère, et qui va préserver la société de l'adultère. Et il a d'autres da'wah qui détruisent l'islam. Et toute la louange à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a débarrassé le Soudan de cet homme. Fait tawhid, ikhwat al-islam, ou tawhid. Walakin al-hizbiyin, wal-harakiyin, يفسدون الدين أكثر من أهل الدنيا. Le monothéisme, frère Allah Azza wa Jal, c'est le monothéisme. Mais les hizbis et les activistes musulmans font du mal à la religion plus que les gens qui s'occupent que du bas monde. Ils font du mal au nom de la religion. ونسأل أنفسنا بعد قراءة حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام نسأل أنفسنا لماذا ألقي إبراهيم في النار أم من أجل السلطة والحكم أم من أجل التوحيد أم من أجل شرك القبور أم من أجل شرك القصور et comme il dit la situation tous vous avez lu ou vous avez lu certains passages de la vie d'Ibrahim alayhi salam, en lisant le Coran, etc. Vous avez l'histoire d'Ibrahim alayhi salam devant vous. Est-ce que Ibrahim alayhi salam, quand il a été jeté par son peuple dans le feu, est-ce que c'était pour le pouvoir ou là à cause du monothéisme vers lequel il appelle? Est-ce que Ibrahim a été jeté dans le feu à cause de l'associationnisme des tombes et de l'adoration des statues ou à cause de l'associationnisme des palais? Réfléchissez et regardez. فيقول الشيخ حفظه الله تعالى يحدثنا عن دعوة إبراهيم يقول دعوة حارة قوية متدفقة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له ونبذ الشرك ورفضه تبدأ بالأسرة وتمتد إلى الأمة تحارب الشرك والأصنام وتزلزل الشرك بالكواكب. Et Cheikh de continuer de nous parler de la da'wa de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Il nous dit c'est une da'wa qui est très forte, qui est chaleureuse, qui appelle vers le monothéisme, qui appelle vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et d'accomplir la religion sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et de laisser de côté l'associationnisme. C'est une da'wa qui combattait l'associationnisme, qui le refusait, qui commençait avec la famille. Regardez, qui commençait avec la famille. Ibrahim n'a pas fait le Globetrotters pour aller faire la da'wa. Il a commencé d'abord avec ses proches, avec son père et avec ses proches en premier. Et après ses proches, il a commencé avec la communauté. Une da'wa, il a accompli une da'wa qui combattait l'associationnisme et les statuts et qui faisait et qui ramenait des doutes, qui installait des doutes dans l'esprit des gens qui adoraient les astres. ويسلك خليل الله أقوم الطرق في المناظرة والمحاجة لإقامة حجة الله وضحد الشرك وباطله وشبهه. Et l'intime d'Allah Azza wa Jal qui est Ibrahim prend le chemin le plus droit dans le débat et dans la polémique pour accomplir la preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour anéantir l'associationnisme et anéantir aussi les preuves de l'associationnisme et les ambiguïtés de l'associationnisme. يقول الشيخ حفظه الله فالتعبير بالأصنام تحقير لآلهتهم المزعومة المصطنعة وتسفيه لأحلامهم ورصده للكواكب المذكورة واحدا واحدا تلو الآخر وهي تغيب وتأفل عنهم ليأخذ من حالها البرهان الواضح على بطلان ما يزعمون من ألوهيتها. Et Cheikh de nous dire, le fait qu'Ibrahim a.s. a dit de leur divinité que ce sont des statues, de leur divinité prétendue que ce sont des statues, c'est pour leur faire prendre conscience comme quoi ils sont insensés. Et le fait qu'il a observé les astres, comme il est cité dans le verset, l'un derrière l'autre, alors que ses actes sont apparents, et après ils se cachent, ils s'absentent, c'est pour prendre de ses astres, et du soleil et de la lune qui étaient adorés par ces gens-là, de prendre une preuve claire sur la nullité, sur la situation nulle qui était de leur vouer un culte, et pour essayer de les ramener à leur raison. يقول حفظه الله فمن يرعاهم ويحفظهم ويدبر شؤونهم وشؤون هذا الكون حين غيابها وأفولها يجي حفظه الله تعالى qui les préserve, qui les protège et qui gère leur situation au moment de la disparition de ces prétendues divinités qui sont les astres. Et quand ces divinités s'absentent, qui les protège dans ce cas-là, qui gère leur situation ? ويقول حفظ الله وإذا فعليهم أن يرفضوا هذه الآلهة المزعومة الباطلة ويكفروا بها وينفضوا أيديهم منها ويتجهوا إلى إلههم الحق الذي فطر السماوات والأرض والذي لا يغيب ولا يحول ويعلم جميع أحوالهم ومطلع على حركاتهم وسكناتهم ويرعاهم ويحفظهم ويدبر شؤونهم يلجي حفظ الله تعالى dans ce cas-là. Il faut, il est de leur devoir, il est obligatoire pour eux de refuser ces divinités prétendues, qui sont nulles. Ils doivent mécroire en ces divinités. Et ils doivent s'en éloigner et essuyer leurs mains de ces divinités. Et ils doivent s'orienter vers le seul et l'unique qui doit être adoré avec vérité, qui a créé les cieux et la terre, et qui ne s'absente jamais, et qui connaît toutes les choses et qui connaît leur situation. Et il sait leur moindre petit mouvement, hein, et qui les protège, et qui gère leur situation. يقول الشيخ حجج قوية يستمدها من الواقع والكون المنظور. Et الشيخ de nous dire, ce sont des preuves énormes et grandioses que Ibrahim a.s. prenait du vécu des gens. Et des choses qui sont concrètes, que les gens voient. قال تعالى وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقَ النَّبِيَ. Il dit dans le verset, et cite Ibrahim dans le livre, qui était véridique et prophète. Regardez, si Allah subhanahu wa ta'ala a réuni pour ce prophète, le fait d'être véridique et la prophétie en même temps. إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Quand il a dit à son père, ô père, pourquoi tu adores ce qui n'entend pas, ce qui ne voit pas, qui ne peut rien pour toi? يا أبتي, et hein, regardez ce style dans le langage, يا أبتي, style pour un style qui est doux, pour se rapprocher du cœur de son père. يا أبتي, il m'a été ramené, il m'a été donné une science. Suis-moi. Ya abati inni qad ja'ani min al-'ilm ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Ô père, il m'a été donné une science. Hein? Comme s'il lui disait, c'est pas parce que je suis petit, je suis ton fils, que tu dois me négliger. Allah, il m'a donné une science que tu n'as pas. Hein? Il m'a été donné une science, suis-moi, je vais te guider sur la bonne voie, sur la voie droite. Ya abati la ta'budi shaytan, inna shaytana kana lirrahmani asiya. Ou, père, n'adore pas shaytan, car shaytan, hein, il a désobéi au clément. Il est dans une désobéissance constante au clément. Ya abati, inni akhafu an yamassaka adabun min arrahmani fatakuna lishaytani waliya. Il dit, ô père, j'ai peur qu'il te touche un châtiment du clément. Pourquoi le châtiment doit le toucher? Pour sa mécréance. S'il ne délaisse pas sa mécréance et son associationnisme, j'ai peur qu'il t'arrive, hein, un châtiment du clément et que tu sois l'allié d'Al-Shaytan. Et que tu sois l'allié d'Al-Shaytan. L'allié dans son amant, c'est de l'avoir suivi. Dans son associationnisme et dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont alliés aussi dans le feu de l'enfer, dans le delà. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Et regardez maintenant le père comment il va réagir sévèrement contre son fils. Est-ce que tu vas laisser tranquille mes divinités, Ya Ibrahim, si tu n'arrêtes pas, je vais te lapider. Et quitte-moi, hein, oublie-moi et disparais du côté de moi pendant longtemps, que je ne te vois pas pendant longtemps. Et ne me parle plus pendant une longue période. Regardez maintenant la parole des serviteurs des cléments. Quand ils parlent aux ignorants, comment ils disent hein? قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. Et regardez cette réponse de ce serviteur du clément, de ce monothéisme par excellence, quand il s'est adressé à cet ignorant qui est son père. Hein? Je vais faire des doigts, je vais demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour toi, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est clément pour moi, il est doux pour moi. Hein? عسى واعتزلكم وما تدعون من دون الله et je vais vous délaisser, vous quitter. Vous, est-ce que vous adorez en dehors de Allah, c'est-à-dire une séparation. Ils s'éloignent de Dieu et de ce qu'ils adorent en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala. وادعو ربي عسى ان لا اكون بدعاء ربي شقيا. Et je demande à Allah et je fais des dua à Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, comme dit l'imam Sa'di rahmatullah alayh, le dua ici concerne un dua d'adoration et un dua où il demande des choses. Les deux sont englobés dans ce verset. Et je vais demander à Allah, comme ça je ne saurais pas. Allah subhanahu wa ta'ala va me réjouir en exerçant mes dua. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وهبنا لهم من رحمتنا وجعلناهم لسان صدق عليا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. Quand il les a quittés, il les a laissés. Est-ce qu'ils adorent en dehors de Allah, Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé en lui donnant Ishaq, Ishaq, Yaqub. Et tous, il a fait d'eux des prophètes. Et nous l'avons, et il est dit dans le verset, nous l'avons comblé de notre clémence. Au fond que on les évoque jusqu'à maintenant. À travers tout le temps, ils vont être évoqués. Aïkhouat al-Islam, huna amrun muhimmun jiddan. Yajibu an nata'allamahu min Ibrahim. وهو كيف نحبب والدينا في الدين وإخواننا وأخواتنا وكبار السن الذين حولنا فلا ينبغي أن تكون فينا فظاظة وغلظة. Ici, il y a quelque chose à retenir de cette da'wa d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et il est très clair dans ce verset que nous devons apprendre de Ibrahim alayhi salatu wassalam comment faire aimer cette religion à nos parents, à faire aimer à nos frères, à nos sœurs, à ceux qui sont plus âgés que nous et qui nous entoure, parce qu'il ne faut pas que nous soyons sévères et durs, et que notre langage soit dur. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لأبيه يا أبتي ولم يقل له يا جاهل يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا مستقيما. فهنا نتعلم من إبراهيم الأدب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. Donc regardez إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Regardez comment il a dit à son père, Ya Abati, c'est un terme doux, hein, pour ouvrir son cœur. Il ne lui a pas dit, où toi l'ignorant. Ya Abati, il m'a été donné de la science, ce que tu n'as pas reçu. Suis-moi, je vais te guider sur une voie droite. Ici, on apprend de Ibrahim alayhi salatu salam le comportement de la da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala. فالصغير يتأدب مع الكبير. وهنا نتأمل هذا الموقف. والد مشرك. فكيف إذا كان الوالد مسلما وكيف إذا كان جاهلا وغير معاند فيجب أن نأخذ الدرس من إبراهيم يا أبت تلطف إياك أخ الإسلام أن تقول يا جاهل. Donc le petit doit avoir un comportement digne avec le grand et un bon comportement avec celui qui est plus âgé que lui. Et ici on doit méditer cette situation. Ibrahim alayhi salatu salam est en face d'un homme qui est associateur devant son père qui est associateur. Qu'est-ce qu'il en est? Et il a utilisé ce terme et ce comportement avec son père. Qu'est-ce qu'il en est quand maintenant nos parents sont musulmans? Qu'est-ce qu'il en est quand nos parents sont musulmans? Et qu'est-ce qu'il en est quand ils sont ignorants et ils ne sont pas des gens qui sont entêtés mais sont tout simplement ignorants? Il est obligatoire pour nous de prendre la leçon d'Ibrahim alayhi salam. Ya Abati, une douceur. dans la façon de s'adresser. Faire très attention, frère, en islam, qu'on dise « Oh, toi l'ignorant !» فلا بد من الرحمة مع والدينا وكبار السن فأهل الحق وأتباعه أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالحق فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام مع عمه يا عم قل لا إله إلا الله أشفع بها لك عند الله فأقوامنا اليوم جهلة فنحتاجوا إلى أن نوصل لهم إليهم هذه الدعوة بأسلوب طيب فأن الله عز وجل لأوبليغاتوار كي un sentiment de piété dans nos cœurs. Nos parents et les personnes âgées qui nous entourent ont besoin de nous, de cette clémence dans nos cœurs, de cette douceur et d'un bon comportement. Car les gens de la vérité et ceux qui suivent la vérité, qui cherchent la vérité, sont les gens qui connaissent au mieux la vérité et qui ont un bon comportement et une douceur et une clémence vis-à-vis des créatures. Regardez notre prophète alayhi salatu wasalam avec son oncle, il lui dit « Ya'am » un terme pour adoucir son cœur. « Dis la ilaha illallah, je vais intercéder avec la ilaha illallah pour toi chez Allah Azza wa Jalla. » Donc le peuple, nos frères, nos sœurs qui nous entourent aujourd'hui, une grande majorité de la communauté musulmane, c'est des ignorants, ils ont besoin qu'on leur rapproche de dawah avec un style qui est bon. Un style qui sied à leur niveau et dans lequel il y a le respect de leur personnalité. قال إبراهيم لأبيه وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله فدعاء الله غير الله شرك ولكن اسمع لرؤوس الحزبيين والحركيين فهذا عمر التلمساني يقول في بعض كتبه وهذا من كبار الإخوان مات رحمه الله وكان من مرشدي الإخوان يقول في كتاب إذا كان الناس يحبون الذهاب إلى الأضرحة فدعوهم وما يريدون واسمعوا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام واعتزلكم وما تدعون من دون الله فالكلام التلمساني يوافق كلام إبراهيم أبدا لا الرجل يقول فيما يعشق فللناس فيما يعشقون مذاهب ها أحد يرتاح مستلقيا على قبر اتركه يا أخي المهم أن يكون معنا في حزبنا وليفعل ما يشاء فهنا الله عز وجل cette parole de Ibrahim عليه الصلاة والسلام dit et je vais vous délaisser vous et me séparer de vous vous et ce que vous invoquez en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala car le fait de demander à quelqu'un d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala ce que ne peut faire que Allah subhanahu wa ta'ala et la demande d'adoration c'est de l'associationnisme. Mais ça, c'est la parole d'Ibrahim. Écoutez l'une des têtes des Hizbi dans un de ses livres, et un grand activiste dans l'Ikhwan Muslimin, qui était une grande tête et l'un des guides de l'Ikhwan au niveau du monde à un moment donné, et qui est mort. Il dit dans l'un de ses livres, si les gens aiment aller dans les sanctuaires, il s'appelle Omar Talamsani. Dans l'un de ses livres, si les gens aiment aller vers les mausolées, laissez-les, qu'ils aillent au mausolée, qu'ils aillent à côté des temples, ce n'est pas un problème. Écoutez la dawa d'Ibrahim, qu'est-ce qu'il dit? Et je vous délaisse, et je vous quitte. Vous, est-ce que vous adorez vous, et à qui et ceux à qui vous demandez en dehors de Allah. Est-ce que maintenant cette parole, cette écriture de Omar Talamsani, va de pair avec la parole d'Ibrahim, non. Cet homme dit... Les gens dans ce qu'ils aiment, ils ont des voix dans ce qu'ils aiment. Quelqu'un parmi eux trouve son apaisement et sa quiétude en étant dans un mausolée, en étant étalé sur une tombe, laissez-le. L'essentiel c'est qu'il soit avec nous dans notre partie et qu'il fasse ce qu'il veut après. Ainsi, frère en Allah, Azzawajal. C'est la Hizbiya, elle est comme ça. Les activistes sont comme ça. فهكذا يجب أن تكون دعوتنا خاصة وأن أقوامنا جهلة فنحتاج إلى هذا الأسلوب الطيب وأنتم ترون أن غالب المسلمين اليوم يقولون لا إله إلا الله ولا يفهمون معناها ومقتضاها ولذا وجبت فيهم بلطف وبأسلوب حسن فهو الله عز وجل notre دعوة doit être calquée sur Notre monde, le Mohammed alayhi salatu salam, et les prophètes qui l'ont précédé, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au Mohammed alayhi salatu salam de les suivre dans leur voie. Et donc, surtout que le peuple, ce sont beaucoup parmi eux, ce sont des ignorants, ils ont besoin d'un style qui soit bon, et qu'ils acceptent, et qui va de pair, et qui s'y est à leur niveau. Et vous voyez, la majorité des musulmans aujourd'hui disent « La ilaha illallah », mais ils ne comprennent pas sa signification. Ils ne savent pas ce que ça implique « La ilaha illallah ». C'est pour ça qu'ils font des choses qui sont contraires de « La ilaha illallah ». C'est pour ça qu'il est obligatoire pour nous de leur faire comprendre « La ilaha illallah » et la signification de « La ilaha illallah » et de leur authentifier leur mauvaise compréhension avec un style qui soit bon, qui soit de leur niveau, qui leur correspond. On ne change pas la da'wa, ni la façon de faire la da'wa. Mais on prend, on utilise le comportement comme il a fait Ibrahim a.s. On parle aux gens un langage qu'ils comprennent. Et on ramène les choses à leur niveau. Yaqul le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, دعوه حاره الى التوحيد قائمه على العلم والمنطق والعقل وعلى الخلق القويم وتهديد ضال الى الصراط المستقيم يقابلها تعصب اعمى يقوم على الهوى والجهل والعناد والمكابره والا فكيف يعبد ويخضع لمن لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن شيئا اي encore une fois Cheikh حفظه الله تعالى لا دعوه ابراهيم عليه الصلاه والسلام c'est une da'wa forte très forte et très chaleureuse vers le monothéisme, qui s'accomplit sur la science, la logique, la raison, et sur un comportement digne et un bon comportement, et qui guide de l'égarement vers la voie droite. Et devant cette da'wa, fait face à cette da'wa, un sectarisme aveugle, qui s'accomplit dans la base, ce sont les passions, l'ignorance, l'entêtement, l'orgueil. Voilà, et cher Dieu, mais sans ça, si ce n'était pas ainsi, pourquoi les gens... Pourquoi on adore et on obéit à quelqu'un? Il y a des choses qui n'entendent pas, qui ne voient pas, qui ne font rien pour nous. فيقول الشيخ حفظه الله إن علم التوحيد أيها القارئ هو الذي يعتز به جميع الأنبياء وبه يصولون على الباطل والجهل والشرك. Ici aussi, regarde, Allah Azza wa Jal, il fait très attention à ce passage et à cette. Il attire notre attention sur quelque chose de très important. Il dit, la science du monothéisme, ô toi qui lis, c'est la science qui faisait la fierté et l'honneur de tous les prophètes. Et c'est avec cette science du monothéisme, c'est avec elle qu'ils ont anéanti l'ignorance et l'associationnisme. Et c'est avec cette science du monothéisme avec laquelle ils prennent le dessus. Ils prennent le dessus sur l'associationnisme et le faux. Qu'il faut pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on doit donner la part du lion au monothéisme pour le maîtriser. فالجهل يقول الشيخ فالجهل بهذا العلم علم الأنبياء الهادي إلى الحق والمنقذ من الضلال والشرك هو الجهل المميت والسم القاتل الذي يقتل العقل والفكر. Il dit حفظه الله تعالى l'ignorance, le fait d'ignorer cette science, c'est-à-dire les sciences du monothéisme, qui est la science des prophètes bien guidés, qui sont guidés sur la vérité. Il a dit, cette science, c'est elle qui guide vers la vérité. Et c'est la science des prophètes. Et c'est elle qui sauve de l'égarement et de l'associationnisme. Et le fait d'ignorer cette science, c'est le poison qui tue. Et cette ignorance, c'est elle qui tue. Et c'est un poison qui tue aussi. Qui tue la raison et la pensée. ويقول حفظه الله يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراط المستقيم. سويا. Et il nous recite la parole de Ibrahim alayhi salatu salam, pour prouver que cette science qu'il a eu Ibrahim alayhi salam, c'est la science du monothéisme. Ô Père, il m'a été donné une science que tu n'as pas. Suis-moi, je vais te guider sur une voie droite. Cette science du monothéisme, c'est quelque chose de très important. وبعد هذه الجولات القوية يقول الشيخ الواعي يقوم بها إبراهيم صلى الله عليه وسلم في ميدان الدعوة إلى الله دعوة الأسرة والأمة التي أقام فيها على أبيه وقومه الحجج الدامغة واجه بهذه الدعوة العظيمة ذلك الحاكم الجبار الطاغية المتأله بكل قوة وشجاعة. Et après tous ces efforts, et ces grands efforts qu'a accompli, qui sont ces efforts qui sont doués de raison, qu'a accompli Ibrahim alayhi salam dans le champ de la da'wa vers Allah subhanahu wa ta'ala, la da'wa de la famille, la da'wa de la communauté, hein, et il a accompli des preuves contre son père et contre son peuple, des preuves irréfutables. Après, il s'est orienté avec cette noble da'wa et cette grande da'wa vers le tyran de son époque qui prétend être Allah. Et il s'est orienté vers lui avec force et bravure. وإخوة الإسلام بعد أن لم يستجب له بعد أن لم يستجب لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لا زوجته لم يستجب له أحد إلا زوجته وأمته هاجر أكرمه الله سبحانه وتعالى بولدين إسماعيل ثم إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وجعل الله ذريته من الموحدين والأنبياء ومع عدم استجابة قومه لم يصر ملكا ولا حاكما ولا وزيرا ورب العزة قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المكرمون إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. C'est quelque chose de très important en Allah Azza wa Jalla, à laquelle j'attire toute ton attention. Compte, personne n'a répondu à l'appel de Ibrahim alayhi salam. Ne lui a répondu à son appel que son cousin l'autre, la femme de Ibrahim alayhi salam, sa servante Hajar. Allah subhanahu wa ta'ala a accompli ce prophète alayhi salam avec deux enfants. Ismaïl y a pris Ishaq, y a pris Ishaq, Yaqub. Et il a fait de la descendance de Ibrahim que ce sont des monothéistes et des prophètes. Alors que son peuple n'a pas répondu à la da'wa d'Ibrahim alayhi salam. Ibrahim n'est ni devenu ni roi, ni gouverneur, ni président, ni rien, ni vizir, ni rien du tout. Alors Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, et notre parole. Et notre parole est la première pour nos serviteurs honorés, que c'est eux qui vont triompher, et nos armées, c'est elles qui vaincront. Qala Azza wa Jal, inna jundana lahumul ghalibun. Wa qala Azza wa Jal, inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fid dunya wa yawma yaqumul ashhad. فهذا يدل على أن جميع الأنبياء منصورون. وهذا النبي الذي لم يستجب له أحد. كيف نصر؟ Il est dit aussi dans notre verset, nos armées, c'est elles qui vont vaincre. Et il est dit dans notre verset, nous allons faire triompher nos messagers, ceux qui ont cru dans ce bas monde, et le jour de la résurrection. Cela prouve que tous les prophètes, alayhi salam, ont triomphé, ont eu le triomphe. Et ce prophète à qui personne n'a répondu, personne n'a répondu à cette da'wah, comment il a eu son triomphe ? Inna al-nasra ikhwat al-islam, laysa kama natasawwaruhu nahn. ليس نصر الأبدان وإنما هو نصر الدين إبراهيم مات وكان غريبا وحيدا وقال الله فيه إن إبراهيم كان أمة. Le triomphe, frère, en Allah Azza wa Jal, ce n'est pas le fait de triompher avec sa personnalité et d'avoir beaucoup de monde autour de toi, etc. et d'avoir un aura ou un pouvoir, etc. Hein? Là, il y a l'islam. Mais le réel triomphe, c'est le triomphe de la religion. Ibrahim alayhi salam, il est mort alors qu'il était étranger, il était seul, avec peu de monde autour de lui. Sa femme, sa servante et son cousin l'autre, alayhi salatu wassalam. Et pourtant Allah a dit de Ibrahim alayhi salam que Ibrahim était une communauté à lui tout seul. Wa nasrullahi li Ibrahim wa ibqa'u dini Ibrahim wa millati Ibrahim. Mata Ibrahim wa baqiyat millati Ibrahim. Fal'an muslimuna yudinuna bi millati Ibrahim. Donc le triomphe d'Allah Azza wa Jal pour Ibrahim alayhi salatu salam est dans le fait que la religion d'Ibrahim alayhi salatu salam est restée jusqu'à le jour. Ibrahim est mort, mais restait la voie et le monothéisme sur lequel était Ibrahim alayhi salatu salam. Aujourd'hui les musulmans sont sur la voie d'Ibrahim alayhi salatu salam, alors que le peuple d'Ibrahim alayhi salatu salam n'a pas répondu à la da'wa d'Ibrahim alayhi salatu salam. قال الله لإبراهيم وأذن في الناس في بالحج واستجاب إبراهيم وهل جاءه أحد في ذلك الزمان؟ الله سبحانه وتعالى أخذني يا إبراهيم عليه الصلاة والسلام d'appeler les gens vers le pèlerinage. Est-ce qu'à l'époque Et Ibrahim alayhi salam a exaucé l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et est-ce qu'à cette époque quelqu'un a répondu à l'appel et à la da'wah d'Ibrahim alayhi salam? ولكن انظروا اليوم كم من الحجاج اذا نصر الله ابراهيم ام لا. Mais si vous regardez aujourd'hui, combien de pèlerins arrivent pour le pèlerinage? Combien de gens vont dans la nef faire l'umra pendant le mois de Ramadan, etc.? Ici, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait triompher Ibrahim ou non? Hein? فالنصر لا يلزم ان يكون في حياه الانسان لا يلزم بان يركب هو عرش الملك. ليس هذا هو النصر وإن كان هذا من أنواع النصر ولكن النصر الحقيقي نصر الدين. Frère Allah عز وجل, il y a une chose à laquelle il faut faire très attention, sur laquelle j'attire votre attention. Le triomphe n'implique pas que ça arrive durant la vie de la personne. Vous avez l'exemple en Ibrahim alayhi salam, ou en d'autres prophètes. Ils ont tous les prophètes alayhi salam à qui personne n'a répondu. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des monothéistes sur terre? Vers quoi ils ont appelé tous les prophètes à qui personne n'a répondu? Ils ont appelé vers le monothéisme. Et aujourd'hui, il y a des monothéistes sur terre. Alors que ces prophètes sont morts depuis Bellevet, depuis très longtemps. Donc, le triomphe, ça n'implique pas que la personne vit son triomphe. Et le triomphe n'implique pas que cette personne se trouve sur le trône d'un royaume. Ça, ce n'est pas un triomphe. Même si c'est une des figures du triomphe. C'est d'avoir le pouvoir, etc. L'une des figures du triomphe. Mais ce n'est pas le triomphe. Mais le triomphe réel, c'est le triomphe de la religion. فَالنَّصْرُ الْحَقِيقِي نَصْرُ الدِّينِ يَمُوتُ الْإِنسَانُ وَيَبْقَى دِينُهُ فَإِبْرَاهِمْ نُصْرَ بِبَقَاءِ مِلَّتِهِ وَدِينِهِ فَكُلُّ الْمُوَحِّدُونَ يَدِينُونَ بِمِلَّةِ إِبْرَاهِيمِ عليه الصلاة والسلام. Donc le réel triomphe, c'est le triomphe de la religion. La personne meurt et reste derrière lui sa religion. Ibrahim alayhi salatu salam, il a triomphé parce que le monothéisme est resté, sa religion est restée et traverse les siècles et les générations. Tous les monothéistes sont sur la voie de Ibrahim alayhi salatu salam. Fa fi hayati Ibrahim kana ghariban wa ma amana lahu illa Lut wa usratuhu. Wa sanna lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hein? اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذه الأسرة المباركة في ذلك الزمان هي أسرة إبراهيم, رجل وامرأة وجارية وأولاده, ومع ذلك انتشر التوحيد في الدنيا فالمسلمون ينتسبون لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. يا بك ساقات فرعون الله عز وجل. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a fait cette sunnah. C'est que dans nos prières, et pour salat ibrahimien, qu'est-ce qu'on dit? La prière sur Ibrahim, sur Muhammad, hein, et sur la famille de Muhammad, sur Al-Muhammad, comme, oh Allah, tu as prié sur Ibrahim, et sur la famille de Ibrahim, il a béni, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du salat ibrahimien. Combien de fois les musulmans la répètent? Cette noble, et cette famille honorable, hein, qui est la famille de Ibrahim, alayhi sallam, était une petite famille. Un homme avec une femme, une servante, hein, et après il y a eu les enfants, et son frère, et son cousin, l'autre, alayhi salatu salam. Mais malgré tout ça, cette petite famille, on aurait mené Allah azza wa jal, hein, le monothéisme s'est propagé à travers le monde. Les musulmans aujourd'hui, hein, sont sur la voie d'Ibrahim alayhi salatu salam. Fahayatu khalilillah. ودعوة خليل الله إبراهيم كلها كانت في التوحيد. فتأملوا الآيات التي مرت معنا وسيلة هذا النبي الكريم هل كان فيها طلب للسلطة والحكم. Donc la vie de l'ami intime d'Allah qui est Ibrahim alayhi salatu salam, la da'wa de Ibrahim alayhi salatu salam, nous ça c'était dans le monothéisme. Méditez les versets qui sont passés avec nous et les versets qui concernent Ibrahim alayhi salatu salam dans le Coran. Méditez la biographie de ce noble prophète. Est-ce que dans sa vie il a demandé le pouvoir, où il a cherché à être gouverneur, ou à être roi, ou à être prince, ou à être président. فالعجب ممن يستخف بدعوة التوحيد ودعاة التوحيد ويقلل من شأن هذه الدعوة أو يدعي أن التوحيد يفرق مع أن التوحيد هو أساس دعوة الأنبياء وأصل دعوتهم. فقرأوا سيرة الأنبياء ورسول الله عز وجل. رسول الله عز وجل. Et ton étonnement ne s'arrête jamais devant la situation de ceux qui néglige le monothéisme et qui dénigre ceux qui appellent vers le monothéisme et qui diminue de la valeur de la da'wah vers le monothéisme et qui prétendent aussi que le monothéisme sépare les gens. Alors que le monothéisme, c'est la base de la da'wah de tous les prophètes, alayhi salatu salam. Alayhi salatu salam. Lisez la biographie du prophète, alayhi salatu salam. Lisez-la. Tous les prophètes. وعندما قال إبراهيم لأبيه تتخذ أصناما آلهة فهذا التنكير هو تحقير هو للتحقير التنكير هنا للآلهة هو للتحقير والتنكير يأتي أحيانا ويراد به التعظيم وهذا يعني أنك أنت الذي جعلتها آلهة وهذا صدع بالحق ومواجهة مع أقرب الناس وهو أبوه et quand frère en Allah عز وجل إبراهيم عليه الصلاة والسلام a dit à son père de forme de cette question. Est-ce que tu prends ces statuts comme divinité? Et ici, le fait d'avoir ramené les divinités en langue arabe sans l'article pour qu'il soit défini, et il l'a ramené à l'indéfini, ceci, c'est pour négliger, c'est une négligence, c'est une forme de négligence. Ou des fois aussi, quand la phrase arrive et le mot, il est à l'indéfini, il arrive aussi pour glorifier et pour donner de l'importance. Mais ici, c'est pour dénigrer. Cela veut dire que c'est toi qui as fait de cette divinité des adorés. Et ça, c'est le fait d'avoir dit la vérité et d'avoir été en face, d'avoir fait face à la personne la plus proche de, que de lui, qui est Ibrahim alayhi salatu wassalam. Fandor, wa ta'ammal indama bada Ibrahim bida'wati, biman bada, innahu kallama walida. Wa rabbuna qala wa andir ashirataka al-aqrabin. Wa hadhihi da'wati al-anbiya. Al-bad'u Al-Bada'atu bil-Aqrabin. Et médite cette situation, frère en Allah. Quand Ibrahim a commencé sa da'wa, il a commencé avec qui? Il a parlé avec son père. En premier. Et il est dit dans le Coran, il avertit hein, tes proches, ceux qui sont proches de toi. Et ça, c'est là, la da'wa du prophète, c'est de commencer avec les proches. Et non pas d'aller faire le globe-trotter autour de la terre. فعودة إلى كلام الشيخ فيقول الشيخ قال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين يسير verset, c'est dans lequel Ibrahim a.s. fait la preuve et accomplit la preuve dans un débat avec le roi tyran qui a prétendu être le souverain. N'as-tu pas vu celui à qui, avec lequel Ibrahim, celui à qui Ibrahim a ramené les preuves et celui-là, Allah lui a donné la royauté. Quand Ibrahim lui a dit, mon souverain, fit vivre et fit mourir. L'autre, ce roi tyran, lui a dit, c'est moi je fais vivre et je fais mourir. Et c'est comment il l'a fait. Il a vu deux prisonniers en prison. Il leur a demandé, venez, ramenez-les. Ils ont ramené les deux prisonniers. Et un, il l'a tué. Et l'autre, il l'a lâché, il l'a laissé. Celui qui a été condamné au mort, il l'a lâché, et l'autre, il l'a tué. Il a dit, moi je fais vivre et je donne la vie, je donne. Mais Ibrahim a.s. lui a dit, mon souverain, ramène le soleil de l'Est, ben toi, ramène-le de l'Ouest. Comme il a vu que cet homme commençait à philosopher et à se détourner, etc., à pas vouloir accepter la vérité, il a cloué son bec, comme on dit. Il lui a dit, là, il ramène le soleil de l'Est, ramène-le toi de l'Ouest. Et là, celui qui a mécru était ébahi, il ne savait plus quoi dire. Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas les injustes. فأمام هذه الآية ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه هنا يقول الحركيون قد جاءت الحجة التي نريدها فها إبراهيم يواجه الحكام وهل في مناظرة إبراهيم لذلكم الملك هل فيه مواجهة للحكام أم هو إقامة للحجة أكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يطلب سلطة ذلك الملك أو يريد إطاعة ذلك الملك أم كان يريد إقامة حجة الله على ذلك الرجل وأن يدعوه إلى التوحيد وأن يبين له أنه لا يفعل شيء وليس بيده شيء. Et devant ce verset, et n'as-tu pas vu hein, ce roi devant lequel Ibrahim a accompli la preuve? Ici, les Hizbi et les activistes disent, voilà, nous avons une preuve, nous avons la preuve que nous voulons. Ibrahim a fait face au gouverneur. Mes frères, Allah, réfléchissez un petit peu, regardez ce débat qu'il y a eu entre Ibrahim et ce roi tyran. Est-ce que c'était pour lui prendre sa place? Et pour, ou là pour accomplir hein, la preuve contre cet homme et attirer son attention, comme quoi il ne peut rien. Regardez le débat. Il lui a dit, à la fin, pour clouer son bec, il lui a dit, Allah ramène le soleil de l'Est, ramène le toit de l'Ouest. Donc tu ne peux pas le faire. Ceci, le fait que tu prétends que tu es souverain, ça ne veut rien dire. C'est faux, c'est nul. Hein? Et donc, le débat... Qu'a eu Ibrahim ce face à face qu'il a eu avec ce roi tyran, c'est pour accomplir la preuve. Et pour attirer l'attention de cet homme que ce qu'il prétend être, il ne l'est pas réellement. Hein? Il n'a pas été devant lui pour lui prendre son poste, comme le prétendent Adi Hizbi et les Haraki. فيقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى لقد دعا إبراهيم صلى الله عليه وسلم هذا الطاغي المتأله إلى توحيد الله والإيمان بربوبيته وألوهيته فطغى واستكبر عن الإجابة إلى توحيد الله وأبى التنازل عن دعوى الربوبية. الشيخ ربيع حفظه الله تعالى d'attirer notre attention nous dit Ibrahim عليه الصلاة والسلام a appelé ce tyran qui prétendait être le souverain vers le fait vers le monothéisme, vers le fait de croire que la souveraineté est à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il faut réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce tyran a refusé, a dépassé ses limites, et l'orgueil l'a habité, il n'a pas répondu à la da'wa vers le monothéisme que lui a fait Ibrahim alayhi salatu wasalam. Il n'a pas voulu hein, démordre du fait que lui, il a la souveraineté. فحاجه إبراهيم يقول الشيخ فحاجه إبراهيم وناظره هذه المناظرة النيلة نيلت البراهين الواضحة المعالم قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت أي المنفرد بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة إبراهيم نجي الشيخ حفظه الله تعالى accompli un débat et il a cloué le bec de ce tyran avec des preuves irréfutables qui sont très claires. Ibrahim le dit, mon souverain fait vivre et fait mourir. Ça veut dire que c'est seul Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la vie, qui gère, qui donne la mort. Il n'y a que lui qui fait ça. فقال الغبي المتجبر انا احيي واميت اي اقتل من اردت قتله واستبقي من اردت ابقاه. Et c'est insensé qui est rempli d'orgueil et qui est interrompu et dit moi je fais vivre et je fais mourir, je tue qui je veux et je laisse en vie qui je veux. وهذا الجواب يقول الشيخ فيه تمويه وتضليل للاغبياء وحيده عن الجواب. Et cette réplique et cette réponse de ce tyran, Cheikh Hafidallahu Ta'ala nous dit, c'est un égarement pour ceux qui n'ont pas beaucoup de raisons, qui ne sont pas doués de grandes raisons. Et c'est aussi le fait d'esquiver la réponse d'Ibrahim a.s. et de ne pas répondre à Ibrahim a.s. لأن قصد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن ربه ينشئ الحياة في الإنسان والحيوان والنبات من العدم ويردها إلى الأموات بقدرته وأنه هو الذي يميت الناس والحيوانات بآجالها بأسباب ربطها وبغير أسباب. Et parce que le but de Ibrahim عليه الصلاة والسلام c'est qu'il est en train de lui dire que Allah سبحانه وتعالى c'est lui qui fait, qui donne la vie hein, à l'être humain, aux animaux, aux végétaux, etc. Il les fait exister du néant, et il les sort du néant. Et il les fait mourir aussi, avec sa force, avec sa capacité. Hein? Et que c'est lui qui fait mourir les gens, les animaux, quand ils arrivent au terme que Allah subhanahu wa ta'ala leur a destiné, avec des causes, hein? Ou la sans cause. فلما رآه إبراهيم يمويه ويجل تجيلا ربما انطلع على الأغبياء والهمج قال ملزما له بتصديق قوله إن كان كما يزعم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، أي وقف متحيرا مشدوها منقطع الحجة، قد ألقم حجرا وأخرس لسانه وزعق باطله، إن الباطل كان زهوقا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام quand il a vu que هذا il commence à jouer et à esquiver et qu'il ment et peut-être que ce qu'il est en train de dire peut-être hein, ça peut rentrer dans l'esprit de certains et dont beaucoup de sa population, et lui a dit pour qu'il le ramène à prendre compte véridique le débat, les preuves que Ibrahim lui a mis en face du nez. Il lui a dit, si tu prétends avoir cette souveraineté comme tu le prétends, bah Allah ramène le soleil de l'est, bah ramène le toit de l'ouest. Et là, celui qui a mis cru a été ébahi, il ne pouvait plus rien dire. Et cher, il dit ici, cet homme, ce tyran est resté hein, dans l'hésitation. Il est resté cloué à sa place. Il ne pouvait plus rien dire. Il n'avait plus de preuves. Il avait une pierre dans sa bouche. Et sa langue s'est arrêtée de parler. Et ainsi le faux s'annule comme ça. Il dit dans le verset, Nalbatila kanazaoukan. Donc le batel, il s'anéantit devant la vérité. Et quand le Cheikh Hafidhahullah, وفي هذا درس لمن ألقى السمع وهو شهيد وهو شهيد إنها دعوة إلى التوحيد تمثل قمة الإخلاص والحكمة والعقل وتأتي البيوت من أبوابها وتنطلق من حيث أراد الله لا مصارعة على الملك ولا منافسة على الحكم. الشيخ بن نذير حفظه الله تعالى يدون ساي لسون pour celui qui est présent du cœur, avec son cœur et avec son oui. C'est une da'wa vers le monothéisme qui hein, nous donne l'exemple du sommet de la sincérité et de la sagesse et de la raison. Et une da'wa qui rentre dans les maisons par la porte et qui, son point de départ de là où le veut Allah, n'ont pas une concurrence sur le pouvoir ou sur le trône. Yaqulu Habibahullah, ولو كان هدف إبراهيم عليه الصلاة والسلام الوصول إلى الحكم لسلك منهجا غير هذا المنهج ولو وجد من يلتف حوله ويصفق له ولكن يأبى الله وأنبياؤه وصالح الدعاة من أتباع الأنبياء حقا في كل زمان ومكان إلا سلوك طريق الهداية والرشاد وبيان الحق وإقامة الحجة على المكابرين والمعاندين. Il dit حفظه الله تعالى c'est le but d'Ibrahim عليه الصلاة والسلام c'est d'arriver au pouvoir. Il aurait pris une autre voie, et non pas cette voie-là. Et il aurait trouvé des gens qui vont hein, être derrière lui, être avec lui, et qui vont applaudir. Mais il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a refusé cette voie. Il en est de même pour les prophètes, et pour les vertueux, parmi les du'as qui suivent les prophètes, alayhi salatu wassalam, véridiquement, en tout lieu, en tout temps. Ils ne font que suivre cette voie de la guidée. Cette voie qui éclaire sur la vérité et qui accomplit la preuve sur les entêtés et les orgueilleux. يقول الشيخ حفظه الله وقد قام إبراهيم عليه السلام بهذا الواجب العظيم على أكمل الوجوه وأتمها أقام الحجة على أبيه وقومه حكومة وشعبا فلما رأى منهم الإصرار على الشرك والكفر والإقامة على الباطل والضلال لجأ إلى الإنكار والتغيير باليد. إيه الشيخ دو نذير حفظه الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام a accompli ce noble devoir, cet énorme pouvoir, cet énorme devoir comme il se doit. Il a accompli l'épreuve contre son père, contre son peuple, contre hein, l'État et contre son peuple. Et quand il a vu qu'il s'entête hein, et qu'il s'enfonce dans la mécréance et dans l'associationnisme, et qu'il continue dans leur égarement, il s'est tourné à ce moment-là vers une autre façon du changement, où il a utilisé sa main. فيقول الشيخ فمن أين يبدأ بالتغيير وما هو الأسلوب الرشيد لتغيير الواقع المظلم الجاتم على أمته. Et, cher de nous dire, d'où va commencer le changement? Et c'est quoi le style, le bon style que va être un pour changer cette situation des ténèbres dans laquelle est engloutie la communauté de Ibrahim alayhi salatu wa sallam. يقول الشيخ أيثور على الدولة لأنها منبع الشرور والفساد ومصدر الشرك والضلال. Il dit que Ibrahim va se révolter contre l'État qui est à l'origine du mal et de tous les maux et qui est à l'origine de l'associationnisme et de l'égarement. كيف يقول الشيخ كيف لا والحاكم يدعي الربوبية ويصر عليها. Il dit comment ça ne peut pas être autrement alors que le gouverneur de ce pays prétend la souveraineté, il s'entête à prétendre être le souverain. يقول الشيخ لماذا لا يدبرون قلابا يطيح فيه بهذه الحكومة الكافرة ورأسها جبار متأله وبذلك يقضي على كل ألوان الفساد والشرك وتقوم على أنقاض الدولة الإلهية بقيادة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Et il dit حفظه الله تعالى. Pourquoi il ne réfléchit pas, il n'accomplit pas un putsch pour faire tomber cet état de mécréance et à la tête duquel il y a ce tyran qui prétend être le souverain, et ainsi il va détruire toutes les formes du mal et de l'associationnisme, et sur ces formes sur les ruines de cet état et de ce mal de cet associationnisme va s'accomplir un état divin sous la conduite d'Ibrahim alayhi salam. يقول الشيخ حفظه الله والجواب حاشا الأنبياء وحاشا نزاهتهم من سلوك هذه الطرق والتفكير فيها فإنها طرق الظلمة والجهلة والسفهاء وطلاب الدنيا والملك. Et la réponse, il vient très clair. La réponse, c'est que ça n'appartient pas au prophète d'Allah Azza wa Jal. Les prophètes d'Allah Azza wa Jal sont élevés au-dessus de ce style. Et les prophètes d'Allah sont au-dessus de ces chemins. Jamais ils n'y penseront même pas. Car ce chemin-là, le chemin du putsch et de renverser le gouverneur, c'est le chemin des injustes et des ignorants et des insensés et de ceux qui demandent ce bas monde et qui demandent le pouvoir. يقول الشيخ حفظه الله إن الأنبياء دعاة توحيد ورواد هداية للحق وإنقاذ من الباطل والشرك فإذا امتدت أيديهم إلى التغيير وهم أعلم الناس وأعقلهم فلا بد أن تبدأ بالقضاء على منابع الشرك والضلال الحقيقية وكذلك فعل إبراهيم الحليم الرشيد البطل الشجاع. Il dit حفظه الله تعالى, les prophètes, ce sont des دعاة vers le monothéisme et ce sont des gens qui cherchent à guider les gens vers la vérité et à sauver du faux et de l'associationnisme, et quand leurs mains s'allongent pour un changement, et alors que ce sont les hommes, ces prophètes sont en plein de science. Parmi les hommes, ce sont eux qui ont le plus de science, qui sont le plus doués de raison. Il est obligatoire que le début du changement, ce qu'ils vont changer, c'est les sources de l'associationnisme et de l'égarement. C'est de là où ils vont commencer. Comme il a fait Ibrahim, qui est doué de raison et qui était brave, qui était un héros. وقال تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. Il dit dans le verset, nous avons donné à Ibrahim sa raison avant, c'est-à-dire avant l'envoi de Moussa et de Mohammed alayhi salatu wassalam. وكنا به عالمين, c'est-à-dire nous l'avons élu avec le message et nous savions qu'il était digne de ce message et digne de porter le message. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Quand il a dit à son père, c'est quoi ces statues que vous sculptez vous-même avec vos mains et vous êtes tout le temps à les adorer. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. Ils ont dit, nous avons trouvé nos parents adorer ces statues, donc on les adore. Hein? Une imitation aveugle. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. Il leur a dit, vous étiez vous et vos parents dans un égarement clair. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. Ils lui ont dit, est-ce que tu nous as ramené la vérité ou là tu es quelqu'un, tu es un joueur. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. Il a dit, votre souverain, le souverain des cieux et de la terre qui les a créés, et moi, je suis témoin qu'il est le seul digne d'être adoré. Qu'il est le seul digne d'être adoré. Hein? وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ. Je vais préparer quelque chose contre vous, vos statues, une fois que vous allez avoir le dos détourné. فجعلهم جدادا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. Et quand son peuple ils sont partis pour une fête, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit toutes les statues et les a rendues en poussière et en petits morceaux, sauf leurs grands. Peut-être qu'ils vont revenir vers leurs grands et lui poser des questions. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. Quand ils sont revenus, ils ont vu les dégâts et les statues cassées. Qui a fait de nos divinités? Celui qui a fait cet acte-là, il fait partie des injustes. Et ils ont dit, قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. Nous avons entendu un petit parler d'eux et évoquer ces statues qui s'appellent Ibrahim. Donc à cette époque, on ne peut pas dire que Ibrahim a les statues comme le prétendent Sado, qu'il est, qu'il cherche le pouvoir ou quoi que ce soit. Fatan, un petit garçon. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. Ramenez-le devant tout le monde pour que les gens attestent. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. Ils lui ont dit, est-ce que c'est toi qui as fait ça de notre divinité, ou Ibrahim? قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. Non, c'est leur grand là qui l'a fait. Demandez-leur s'il parle. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. Et à ce moment-là, quand ils ont entendu cette parole de la bouche de Ibrahim alayhi salam, ils sont revenus à eux-mêmes, ils ont dit, c'est vous qui êtes injuste. Et en quelque sorte, les nuages se sont dissipés de leur esprit. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. Et après, ils se sont tombés, ils sont revenus sur leur ancienne situation. Et ils se sont tournés vers Ibrahim a dit, tu sais que cela, ils ne parlent pas. Et tu sais que cela. Ils ont failli revenir à leur raison, mais tout d'un coup, ils ont failli revenir à la quoi? À la nature. Et à reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Mais tout de suite, ils sont tombés sur leur tête, ils sont revenus sur la voie qu'ils étaient. Tu sais que cela ne parle pas. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. Si vous adorez en dehors d'Allah quelque chose qui ne sert à rien, qui ne vous sert à rien et qui ne vous fait aucun mal. أُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَلَا تَعْقِلُونَ. أُفِّلْ لَكُمْ. أُفِّلْ à vous et à ce que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'êtes pas doué de raison. Vous n'avez pas de raison, vous ne réfléchissez pas. Ils ont dit, brûlez-le. Et faites triompher votre divinité si vous voulez faire quelque chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre au feu de ne pas brûler et d'être d'une bonne température pour Ibrahim alayhi salam. Il voulait anéantir Ibrahim alayhi salam, et c'est eux qui étaient les perdants. فإنكار إبراهيم عليه الصلاة والسلام باستعمال يده في كسر هذه الأصنام ليس من ذلكم الباب الذي يظنه كثير من الناس. فكثير من شبابنا الذين يثيرون الفتن في بلاد المسلمين مثلا يذهبون ويكسرون ناديا من نوادي الفيديو محتجين بإبراهيم وهذا وقع في مصر, أو يذهبون ويقتحمون عرسا من الأعراس في الرقص فيكسرون آلة الغناء ويضربون الناس, وهذا وقع في بعض ضحى بعض المدن في المغرب فيكسرون آلة موسيقى ويضربون الناس ويحتجون بإبراهيم ويقولون كان إبراهيم مستضعفا وفعل مثلنا. Maintenant, le fait que Ibrahim عليه الصلاة والسلام a utilisé sa main en anéantissant et en cassant les statues, ceci, ce n'est pas un acte comme le croient beaucoup de gens. Beaucoup de gens, parmi les jeunes, qui font du mal dans les pays de l'islam, vont des fois, comme c'est arrivé en Égypte, et ils cassent des clubs vidéo. En prenant comme preuve l'acte d'Ibrahim alayhi salam. Et tout d'un coup, cette vidéo, au bout d'un mois, il redevient plus grande qu'il l'était. Et des fois, il y a même un gardien devant elle. il revient encore en force. Et des fois, comme c'est arrivé dans certaines régions du Maroc, il rentre dans les tentes dans lesquelles il y a les fêtes, il y a les instruments de musique, etc., et chichat, il y a la musique, etc., il commence à casser tout et à taper les gens. Ils disent, Ibrahim a.s. a fait ainsi alors qu'il était faible. Donc nous sommes dans la même situation, on fait ainsi. Et ceci, c'est une preuve contre eux. فالسؤال الذي يطرح نفسه هل إبراهيم لما كسر الأصنام كان من باب تغيير المنكر بليد إلى question qu'il faut qu'on s'oppose et qu'il s'oppose à nous. Est-ce que Ibrahim عليه الصلاة والسلام quand il a cassé les statues c'était ça fait partie du chapitre de changer le mal et le blâmable avec la main. فكروا جيدا معي فكروا جيدا عندما يريد أحد أن يغير المنكر بيده إذا رأى أمامه مجموعة من زجاجات الخمر وزجاجات كبيرة وزجاجات أصغر بأيها يبدأ بالكبيرة أم بالصغار réfléchissez avec moi et méditez la situation avec moi بارك الله فيكم. Quand quelqu'un veut changer le mal avec ses mains, il veut utiliser sa main pour changer le mal, il se retrouve dans un endroit où il trouve plein de bouteilles d'alcool et de vin, il trouve des bouteilles des magnums qui font 2 mètres et d'autres 1 mètre, etc., et plein de bouteilles aussi petites. Avec quoi il va commencer? Avec quoi il commence? Il va commencer avec les grandes, là, avec les petites. فمادام يقدر على كسرها فيكسر الكبيرة. في الأول, هذا هو المنطق. وهذا هو الذي يؤديه العقل السليم. Puisqu'il est capable de casser les bouteilles, donc il va commencer à casser la grande. Il est grande, et après il va revenir vers les petites. Ça, c'est la logique même. Et ça, c'est ce qui est prouvé par les raisons saines. لكن إبراهيم عندما كسر الأصنام هل كان هدفه تغيير المنكر باليد؟ Mais quand Ibrahim عليه الصلاة والسلام il a cassé les statues, est-ce que son but c'était de changer le mal? Est-ce que c'est dans un but de changer le mal avec sa main? أم كان يريد إقامة الحجة على قومه بأن هذه الأصنام لا تستطيع أن تمنع شيئا عن نفسها فكيف أن تمنعها عنهم هم؟ وسخر منهم حيث قال لهم بل فعله كبيرهم هذا. Donc, ou alors, est-ce que Ibrahim عليه الصلاة والسلام, avec le fait de casser les statues, il voulait accomplir la preuve contre son peuple, pour leur montrer que ces statues ne peuvent rien pour elles-mêmes, ils ne peuvent même pas se protéger du mal elles-mêmes. Comment ils peuvent les protéger eux? Dans ces cas-là, il s'est moqué d'eux. Il leur a dit, bah, c'est leur grand là. Demandez-lui, c'est lui qui l'a fait, demandez-lui s'il part. Ibrahim, تغيير المنكر الذي في قلوبهم. فما كان غرضه التكسير والتحطيم لأجل التكسير. فتأملوا الآيات في سيرة الأنبياء ومناظرة في سيرة هذا النبي وفي مناظرة قومه. وتأملوا هذا في سورة الأنبياء. من الله عز وجل. Le but de Ibrahim عليه الصلاة والسلام c'est de changer le mal qu'il y a dans leur cœur et d'attirer leur attention, de les réveiller. Enfin, son but, ce n'était pas casser pour casser, parce qu'il sait que ça, ils peuvent les fabriquer, ils peuvent les sculpter facilement. Mais c'était pour casser les racines du mal qu'il y a dans leur cœur, pour attirer leur attention, comme quoi ces statues ne peuvent même pas se protéger eux-mêmes. Comment ils vont vous protéger, vous? Méditez les versets qu'il y a dans Sourate l'Anbiya. Et méditez. Hein? Que ce soit dans Sourate Maryam ou autre, les passages dans lesquels il y a les débats d'Ibrahim alayhi avec son peuple, avec son père, et vous allez retenir cette leçon. Et certains Ibrahim, ولو كان يريد تغيير المنكر باليد والقوة لوجب عليه تكسير الصنم الأكبر ولكنه كسر الصغار وترك الأكبر لكسرها وإخراجها من قلوبهم مقيما الحجج العقلية والنقلية أن هذه الأصنام لا تنفع فكيف تعبد؟ وفهم الله عز وجل mais les activistes et les حزبي prennent comme preuve l'acte de Ibrahim عليه الصلاة والسلام comme quoi il a utilisé la force, il a utilisé la force. Et ça, naturellement, c'est faux. C'est faux. Et c'est nul. Hein? Et c'est inconcevable. Parce que Ibrahim, il n'a pas cassé les statues. Hein? du point de vue du fait de changer le mal avec le mal. Mais il voulait casser les statues dans le cœur de son peuple. Car ces gens-là, leur cœur était attaché à ces statues. Ici, Ibrahim veut les casser, changer le mal, le blâmable avec la main. Il était obligatoire pour lui de casser la grande statue. Et après de casser les petites. Mais lui, il a cassé les petites, il a laissé la grande. Parce qu'il voulait, sortir ses statues et l'attachement de son peuple, l'attachement du cœur de son peuple, de ses statues. Et il voulait accomplir les preuves au niveau de la raison, au niveau du concret, au niveau des textes, contre son peuple. On leur montrait que ces statues ne peuvent rien pour elles-mêmes. Pourquoi vous les adorez dans ces cas-là ? فيقول الشيخ ربيع حفظه الله آتى الله إبراهيم رشده على علم بأنه أهل لذلك. dit الله سبحانه وتعالى a donné la raison à Ibrahim عليه الصلاة والسلام parce que الله سبحانه وتعالى savait qu'il était digne de cette situation. هذا النبي الحكيم الرشيد واجه فسادا في العقيدة وفسادا في الحكم أمة انحط تفكيرها وضلت عقولها فعبدت الأصنام من الأخشاب والأحجار والكواكب وتحكمها حكومة فاسدة يقودها جبار متأله فأسلسوا له القيادة. فمن أين يبدأ بالإصلاح يا ترى؟ يعني ce prophète doué de raison, sage doué de raison, il a fait face à un mal dans les croyances, un grand mal dans les croyances, et un grand mal dans l'État et dans les lois qui se sont accomplies. Une communauté dans laquelle a été envoyé Ibrahim alayhi était une communauté qui était au plus bas degré au niveau de sa pensée. Leur raison s'est égarée complètement. Et ces communautés, avec l'égarement de leur raison, ont adoré les statues qu'ils fabriquent par la pierre ou qu'ils fabriquent avec le bois. Ils ont adoré les astres. Et c'était une communauté qui était gouvernée par un État qui était mauvais, dirigé par un tyran qui a prétendu être le souverain. Et ils se sont soumis à ce tyran. Et cher de poser la question, d'où Ibrahim alayhi salam va commencer la réforme? D'où il va commencer la réforme? يقول حفظه الله أيبدأ بمساولة الحاكم لأنه قطعا يحكم بغير شعيرية الله ويحكم بقوانين وتشريعات جاهلية لا شك في ذلك ويدعي الربوبية جهارا وحق التشريع. Il dit, est-ce qu'il va commencer à faire face ou à faire un putsch contre eux, ce gouverneur qui irréfutablement et clairement déclare et juge avec d'autres que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il juge avec des lois et des législations qui sont du domaine de la jahiliya. Il n'y a dit aucun doute là-dessus. Et il prétend être le souverain, clairement, devant tout le monde. Et il prétend avoir le droit de légiférer. يقول الشيخ أو يبدأ بإصلاح العقيدة عقيدة الأمة وعقيدة الحكومة الجاهلية ou alors il doit commencer par réformer les croyances de la communauté et les croyances de l'État جاهلي. يقول الشيخ القرآن يحدثنا عن هذا النبي الرشيد إمام الأنبياء أنه بدأ بإصلاح العقيدة أي الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده ومحاربة الشرك والقضاء عليه وعلى أسبابه واقتلاعه من جذورهم. Il dit, حفظه الله تعالى, le Coran ne parle de ce noble prophète, de ce prophète doué de raison, qui est l'imam des prophètes, عليه الصلاة والسلام, que cet imam a commencé par réformer les croyances des gens, et il a appelé vers le monothéisme, vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et il a combattu l'associationnisme. Et il a combattu les moyens qui amènent vers l'associationnisme et pour enlever les racines de l'associationnisme. فدعا فعلا الى توحيد الله ونبذ عبادة ما سواه وجادلهم في هذا المجال وجادلوه فدمغهم بالحجج القاهرة والبراهين الظاهرة وجردهم من كل سلاح من أسلحة الحجة حتى ألجأهم إلى الاعتراف بالظلم والضلال والتعصب الأعمى والجمود القاتل على تقليد الآباء قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. إيه il les a appelés, Ibrahim alayhi sallallahu alayhi comme dit Cheikh ici, les a appelés vers le monothéisme et vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, ne demander rien qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a débattu avec eux. d'un débat clair, et il a polémiqué avec eux, et il les a anéantis avec les preuves qui sont claires, et il les a dépouillés de toute arme. Ils n'avaient aucune preuve devant, jusqu'à tel point qu'ils étaient obligés de reconnaître injustement, et de répondre avec le sectarisme aveugle, et l'imitation aveugle, et la stagnation qui tue sur le fait de... de suivre. Leurs parents, ils ont dit, ils sont allés vers quoi? À répondre, cette réponse. Nous avons trouvé nos parents adoraient ces statues. فَلَمَّا رَأَى إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ الشَّيْخ فَلَمَّا رَأَى إِبْرَاهِيمُ أَهْوَاءً جَامِحَةً وَعُقُولًا مُتَحَجِّرَةً وَعُقُولًا مُتَحَجِّرَةً وَعُقُولًا مُتَحَجِّرَةً دبر لهم مكيدة ورسم لهم خطة حكيمة شجاعة لتحطيم آلهتهم وتم تنفيذ هذه الخطة بكل قوة وشجاعة وجرأة. Et Cheikh de nous dire, quand Ibrahim alayhi salam, il a vu qu'il est devant des gens qui sont entêtés et des raisons fermées comme des rocs. Il a manigancé une stratégie qui était sage. Il l'a fait avec bravure pour détruire leur divinité. Et il a accompli cette stratégie qu'il s'est donnée, avec bravure et avec audace. Et il dit le Cheikh, et il a mis en avant cet acte de bravure et cet acte de héros. يقول الشيخ في الحاشية هذا العمل البطولي العظيم وما سبقه من دعوة حكيمة للتوحيد ونبذ الشرك في ميزان كثير من دعاة الإصلاح اليوم يعتبر من الاهتمامات بالقشور والتوافه فلا حول ولا قوة إلا بالله إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الأبصار et le Cheikh de nous dire on bat de la page cet acte d'héroïsme qui est noble avec toute la da'wa sage vers le monothéisme vers et le combat qu'il a accompli contre eux l'association unique, dont aux yeux de certaines de hâte qui appellent vers les réformes, etc., aujourd'hui, est considéré comme le fait de s'occuper des choses qui sont insensées et de s'occuper des épluchures. Et Cheikh, il dit, « La hawla wa la quwata illa billah » Ce n'est pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs qu'il y a dans les poitrines qui sont aveuglés. Et il est suivi d'un commentaire de Cheikh Al-Fawzan qui dit « Innahum yarawna anna al-bada'ata bid-da'wati yajibu an takuna bi islah al-hukm wa as-sulta la bi islah al-aqida wa ala hadha yakunu Ibrahim wa sa'ir al-anbiya qad akhta'u manhaj ad-da'wati as-sahih » Hadha min kalam Al-Fawzan. Et il dit, il est en bas de la page, il est accompagné d'une petite remarque de Cheikh Al-Fawzan qui est très forte. Il dit « Ces du'ats voient que le fait de commencer voient que le début de la da'wah doit se commencer en réformant le gouverneur et les lois, et non pas en réformant les croyances et en authentifiant les croyances. Et il dit, Hafidhahullah Ta'ala, le Cheikh Al-Fawzan, dans ces cas-là, Ibrahim alayhi salam et les autres prophètes se sont trompés dans la voie de la da'wah. Les autres prophètes ils se sont trompés aux yeux de ces du'ats, si on les suit dans leur logique. يقول عبد الله وأثار هذا العمل البطولي الحكومة والشعب ضده واستدعوه للمحاكمة العلنية ووجهوا إليه الاتهامات أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم فأجابهم بأسلوب تهكمي ساخر بل فعله قبيلهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون اي bien sûr cet acte d'héroïsme il a excité la révolution de l'État et du peuple contre Ibrahim alayhi salam. Ils l'ont convoqué pour le juger devant tout le monde. Ils l'ont accusé devant tout le monde. Ils disent, est-ce que c'est toi qui as fait ça de nos divinités à Ibrahim? Il leur a répondu avec une expression moqueuse. Mais c'est leur grand là qu'il a fait. Demandez-lui s'il parle. فَكَانَ هَذَا الْجَوَابُ التَّهَكُّمِ الْمُفْحِمِ كَالصَّاعِقَةِ الْعَنِيفَةِ هوت على رؤوسهم المخبولة ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون et cette réponse moqueuse de la part de Ibrahim alayhi salam c'est comme s'il leur a jeté une pierre dans la langue ils sont restés comme s'ils ont reçu la foudre sur leur tête ils sont restés comme ça un laps de temps là, leur raison leur est revenue à un moment donné et mais il est dit dans le verset et après ils sont retournés vers leur ancienne situation. Ils sont restés dans l'égarement, etc. Ils ont dit à Ibrahim alayhi salam, tu sais que ces statues ne parlent pas. يقول الشيخ حفظه الله ثم لما أعوزهم سلاح الحجة لجأوا إلى القوة سلاح كل عاجز عن الحجة في كل زمان ومكان قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين et le Cheikh de nous dire ils comptent ils ont plus de preuves plus d'armes au niveau des preuves ils sont allés vers quoi vers la force en utilisant la force hein et ça il dit حفظه الله تعالى ça c'est l'arme de tout incapable il utilise cette arme en tout lieu en tout temps Ils ont dit quoi? Brûlez-le et faites triompher vos divinités si vous voulez faire quelque chose. Et regarde ce que font les Hizbis de nos frères, salafis un petit peu partout. Regarde ce que font les Ahbash de nos frères. Et regarde ce qu'ils ont fait les Tkfiri des frères de Bruxelles quand ils ont essayé de récupérer une mosquée. Hein? En tout lieu, en tout temps, les Hizbis, hein, devant la preuve irréfutable du salafi, ils réagissent très mal et ils s'orientent vers la force. Ils utilisent les mains et les menaces et ainsi de suite. يقول الشيخ ونجى الله خليله إبراهيم وربط الله كيد الكافرين الخاسرين في نحورهم قال عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين et الله سبحانه الشيخ nous dit الله سبحانه وتعالى a sauvé son ami intime Ibrahim عليه الصلاة والسلام et il a anéanti les manigances et tout ce que voulaient faire ces mécréants contre Ibrahim alayhi salam, même quand ils l'ont envoyé dans le feu, Allah subhanahu wa ta'ala dit au feu, hein, soit d'une bonne température pour Ibrahim alayhi salam. Et c'est eux qui ont perdu à la fin. Wa kana fi najati Ibrahim min tilka an-nar al-'azima, ba'da an hawwala Allah bardan wa salaman 'ala Ibrahim, ayatan 'azimatan min a'zam ayati Allah 'ala nubuwwatihi wa sidqihi, wa sidq ma ja'a bihi min at-tawhid wa butlan ma hum 'alayhi min ash-shirk wa ad-dalal. Et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala cherche de nous dire Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Ibrahim de ce feu, de cet énorme feu que son peuple a allumé pour le brûler, et Allah subhanahu wa ta'ala a changé et que ce feu est devenu tempéré pour Ibrahim alayhi salam, c'est un grand signe, parmi les grands signes de Allah subhanahu wa ta'ala, qui prouve la prophétie et la véracité de ce noble prophète alayhi salam et la véracité du message qu'il a transmis qui est le monothéisme et il a prouvé à tout le monde la nullité de l'égarement et de l'associationnisme. Wa kafa Allah Ibrahim alayhi salam ala hadith da'wati al-hakima wa ala hadha al-jihad wa tadhhiyat al-ra'i'a. Qala azza wa jalla wa najjaynahu wa lutan ila al-ard allati barakna fiha lil-alamin wa habna lahu ishaq wa ya'qub nafilatan wa kullan ja'alna salihin wa kullan ja'alna salihin wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilayhim fi'l al-khayrat wa iqam as-salat wa ita' az-zakat wa kanu lana 'abidin. Et Allah subhanahu wa ta'ala a récompensé Ibrahim alayhi salam pour cette da'wa sage qu'il a accompli et pour ce noble jihad qu'il a accompli et pour tous ces nobles sacrifices qu'il a fait. Il est dit dans le verset nous avons sauvé l'autre nous avons sauvé Ibrahim et l'autre vers la terre qui est bénite pour les mondes. Et nous avons donné à Ibrahim alayhi salam Ishaq et après Yaqub. Hein? Et tous nous avons fait qu'ils soient des vertueux. Et nous avons fait d'eux des imams qui guident avec notre ordre. Et nous leur avons révélé le fait qu'ils accomplissent le bien, qu'ils accomplissent la prière, qu'ils s'acquittent de la zakat. Et ils étaient des adorateurs pour nous. Ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi a été comblé Ibrahim alayhi salam. إخوة الإسلام في هذه في هذا لدعوة هذا الإمام رحمه الله انظروا عندما أقام الحجة كيف انتقست عقولهم وضلت أحلامهم ومن خلال دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتبين لك أن معظم المشتغلين بالدعوة لا يعرفون ما هو الدين أصلا وهم أحوج أن يدعوا من أن يدعوا فالدين هو التوحيد وأحوج من أن يبلغوا من أن يبلغوا وأحوج من أن يعلموا من أن يعلموا وأحوج من أن يحكم فيهم شرع الله من أن يدعوا إلى تحكيم شرع الله وهم أول من لم يحكم فيما بما أنزل الله في أول أمر ألا وهو توحيد الله عز وجل à travers ce que nous a cité ce qu'a dit Cheikh حفظه الله تعالى regardez aussi à travers les preuves qu'a accompli Ibrahim عليه السلام comment ils ont failli revenir à leur raison après ils sont tombés sur leur tête ils se sont égarés Et à travers cette da'wa de l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Ibrahim alayhi salam, il t'apparaît clairement que la majorité d'une grande partie de ceux qui s'occupent de la da'wa ne connaissent pas la réalité de cette religion. Ils ont besoin qu'on les appelle vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le monothéisme. Ils ont besoin qu'on leur transmette, ils n'ont pas que eux transmettre quoi que ce soit. Ils ont besoin qu'on leur enseigne, plutôt qu'eux ils enseignent quoi que ce soit. Et ils ont besoin qu'ils accomplissent, qu'on accomplisse, que les sentences d'Allah subhanahu wa ta'ala par le gouverneur soient accomplies sur eux. Ils n'ont pas qu'ils demandent aux autres d'accomplir les sentences d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont eux les premiers qui n'accomplissent pas, qui ne jugent pas avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, dont la première des choses et le premier des ordres, qui est le monothéisme. فالأنبياء وإخوة الإسلام بدأوا مع أقوامهم بالتوحيد فلم يقولوا نبدأ معهم بالصدق والأخلاق الحميدة والورع والزهد وغالب الدعاة في الجماعات الإسلامية لا يقيمون للتوحيد وزنا ويخشون أن ينفر الناس من حولهم فهؤلاء يقولون نكلم الناس في الأخلاق والتقوى وبعدها نكلمهم في التوحيد ونعلمهم التوحيد من الله عز وجل لبروفيت الله عز وجل عليه الصلاة والسلام ont commencé avec leur peuple, avec le monothéisme. Ils ont terminé leur vie en appelant vers le monothéisme. Ils n'ont jamais dit, on commence avec notre peuple à leur apprendre la véracité, le bon comportement, etc., etc., Zeud et autres. La majorité des du'ats, dont les groupes islamiques qui existent aujourd'hui, là, ne donnent pas l'importance au monothéisme. Ils le négligent. Ils le mettent parmi les choses. Ils mettent dans le coin de ce qui doit être négligé. Ils ont peur que le fait de parler du monothéisme, que les gens se sauvent d'eux. Et ils disent, nous, on appelle les gens vers le bon comportement, vers la véracité, vers les actes vertueux, etc. Et après, Inch'Allah, nous allons leur parler du monothéisme, etc. Mais là, l'islam, الإنسان يبقى مع هؤلاء 10 سنوات 15 سنة 20 سنة 30 في بعض الجماعات أو 40 لا يتعلم معهم التوحيد كما دخل يبقى والأنبياء دعوا إلى التوحيد لأنه دين الله فتأملوا دعوة نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما كانت في ماذا؟ هل غير شيئا من دعوته؟ كانت تعبد الله ما لكم من إله غيره لأن الله عز وجل certaines personnes sont restées dans certains groupes, 10 ans, 15 ans, 20 ans, dans certains groupes, 40 ans, 30 ans, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas appris le monothéisme comme il se doit. Ils sont restés, comme ils sont rentrés, ils sont restés. Ils ont appris tout, les principes fondamentaux des groupes, etc., et les choses vers lesquelles appellent les groupes, etc., mais le monothéisme, qu'ont propagé le prophète d'Allah, ils ne le connaissaient pas. Et les prophètes d'Allah azzawajal, ont appelé vers le monothéisme, qui est la religion d'Allah. Méditez l'histoire de Nuh alayhi sallallahu alayhi wa sallam. 1000 ans moins 50 ans, il a appelé vers quoi? Il n'a rien changé. Le monothéisme. Adorez Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré que lui. Na'am ikhwanuna, muslimun, walakin, yakhulu ahlul ilm, al-muslimun al-yawm, yahtajuna ila ta'allum al-tawhid, wa tsahih al-aqidah. فيجب التركيز عليها وتذكروا رأي الألباني رحمه الله تعالى إمام السنة في هذا الأمر لإصلاح هذه الأمة تذكروا كذلك قول العلامة محمد أمال الجامي رحمه الله يقول الناس يحتاجون إلى تصحيح عقيدتهم بالدرجة الأولى لأن الله عز وجل سهل لكم للمسلمين maintenant c'est des musulmans on dit pas le contraire mais les gens de science ils disent les musulmans ont besoin aujourd'hui de réapprendre le monothéisme d'authentifier leurs croyances et il est obligatoire dit qu'il faut donner le temps à authentifier les croyances des gens et à authentifier leur monothéisme. Rappelez-vous ce qu'a dit Cheikh Al-Albani rahmatullah alayh, le lion de la sunna. Rien ne pourra faire le bien de la fin de cette communauté que de revenir vers et de recomprendre la ilaha illallah. Il dit, beaucoup ne comprennent pas, ils la disent, ils ne la comprennent pas. Et rappelez-vous aussi ce qu'a dit son éminence, Muhammad Amal Jami rahimahullah ta'ala. Les gens ont besoin aujourd'hui d'authentifier leurs croyances en priorité. Fi ikhwat al-islam, imma an nad'u ila al-islam alladhi da'a ilayhi al-anbiya' wa imma an naqul la nuridu hadha ad-din. Falimadha ula'i al-harakiyun wa al-khurafiyun yu'duna as-salafiyyin wa du'at as-salafiyyin. Fa yana Allah azza wa jalla fi ikhwat al-islam, soit on appelle vers l'islam vers lequel ont appelé les prophètes d'Allah azza wa jalla, soit on dit on ne veut pas cette religion. Pourquoi ces activistes et c'est ceux qui adorent les tombes, etc., font du mal aux salafis maintenant et aux prêcheurs de la salafia. C'est quoi le péché de ces salafis, ces gens-là, ces activistes et ces adorateurs de tombes? Tout simplement, leur seul péché, c'est qu'ils appellent vers le monothéisme et qu'ils interdisent l'associationnisme. Et ils appellent vers la sunna et ils blâment la bid'a. وينهون عن مناهج هذه الجماعات المنحرفة. ils avertissent contre les voies de ces groupes égarés. Et ils appellent ويدعون إلى علاء رأية منهج السلف. Ils appellent vers le fait de lever très haut l'étendard de la voie du salaf. وهكذا أتباع الأنبياء. ما جاء أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي. هكذا قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنتذكر هذا دائما ولا نحيد عن هذه الدعوة المباركة من الله عز وجل. Ainsi étaient ceux qui suivent les prophètes alayhi salatu wasalam. Et Nawfal ibn Waraqa, quand il a dit au prophète alayhi salatu wasalam, tout un chacun qui ramènera quelque chose comme toi, ben il va, on va lui faire la guerre. Et qu'on se rappelle ceci. Et qu'on ne doit pas divier de la voie de cette da'wah binit min Allah azza wa jal, qui est la da'wah vers le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam, comme selon la voie et la compréhension de nos plaisirs de Allah alayhi. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم واحسن الله لكم جزاكم